Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je ne sais pas. On se prépare une assiette de fromage et de charcuterie ? Ah non, encore ! On en a déjà mangé avant-hier. J'aimerais manger plus équilibré. D'accord, d'accord. On peut se faire du saumon alors ? Je n'en ai pas envie. J'ai déjà mangé du poisson à midi. Ben, je ne sais pas. Je commande un plateau de fruits de mer si tu veux. Mais tu sais bien que je déteste ça. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu es difficile. Bon, d'accord. Alors de la viande? Du bœuf? Oui, mais je préfère le poulet. D'accord, c'est moi qui cuisine. Tu as l'air bien fatigué. Repose-toi.